Bonsoir à vous tous qui êtes branchés sur nos ondes. Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur. Voici les grands titres de cette édition. 8 ans de fonction, c'est désormais l'expérience minimum requise pour être magistrat à la Cour suprême, comme adopté par l'Assemblée nationale ce vendredi lors de l'analyse du projet de loi portant modification de la loi organique de 2019 régissant la Cour suprême. 4 chefs de zone de la province Ngozi au nord du Burundi ont été limogés dans moins d'un mois. En moins d'un mois, concubinage et fraude en sont les causes selon le gouverneur de cette province du nord du pays. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi prête serment ce samedi 20 janvier. 18 chefs d'État, dont le président burundais, sont attendus. Entre-temps, l'opposition congolaise appelle à des manifestations ce samedi même. Et au Burkina Faso, le gouvernement annonce avoir déjoué un projet de déstabilisation du pays avec un soutien extérieur. Vous l'entendrez dans cette édition, mise en onde par Albert Ndouayo. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir. Les militaires burundais présents sur le sol congolais font un travail satisfaisant et n'ont pas de difficultés sur terrain. C'est du moins une affirmation ce vendredi du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants lors de la présentation des réalisations du second trimestre de cet exercice budgétaire en cours. Alain Tribert Moutabazi a indiqué que les informations selon lesquelles ces militaires ne sont pas bien traités, que ce sont des rumeurs. Il a également précisé que parmi les militaires qui ont gagner le pays, se trouvent ceux qui ont terminé leur mission et d'autres qui ont affiché un mauvais comportement. Suivez-le dans cette traduction française d'Alain Désiré Boukénez. Premièrement, sachez que les militaires burundais étaient allés au Congo dans le cadre du maintien de la paix dans ce pays, une mission accomplie par les forces de l'EAC. Ils sont rentrés comme les autres après la fin de leur mandat. Mais comme le Burundi a de bonnes relations avec la RDC, des militaires burundais sont restés sur place pour des patrouilles sur les frontières communes avec les militaires congolais. Ceci pour éviter que des groupes armés infiltrent nos deux pays. Sur les réseaux sociaux, des informations faisaient état des militaires qui se sont mal comportés et ont été renvoyés au pays. C'est normal. Au sein de l'armée, la loi est appliquée à l'endroit de ces derniers. Ils doivent subir des sanctions. Mais en général, les autres n'ont aucun problème et ils font un travail louable. Ces rumeurs viennent à la suite de tout cela. Nos forces de l'ordre sont en train de traquer les malfaiteurs, ces groupes armés dont les responsables ne font que propager des informations pour décourager la population burundaise. Nous tranquillisons tout le monde, y compris nos militaires, que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour garantir la sécurité du pays. Alain Tribert Moutabazi, ministre burundais de la Défense, dont les propos ont été recueillis par Francine Ndihokubwayo. Page sécurité de cette édition, encore dans chef de colline Nyarugera, en zone Munini de la commune et province Bururi, a été découvert le matin de ce vendredi sous les murs de sa maisonnette inhabitée en destruction. Les membres de sa famille disent qu'il était introuvable depuis mercredi de cette semaine et ont cherché partout sans succès. Certains de cette localité disent que cet administratif serait mort étranglé par des inconnus qui ont mis son corps sous ses murs pour fausser les enquêtes. Félix Niongabo, administrateur de la commune Bururi, fait savoir que la police a commencé les enquêtes. L'expertise médicale pourra aider pour connaître s'il serait mort étranglé ou s'il serait mort suite au mur de cette maisonnette qui se serait écroulé. Restons en province Bururi. où 3 personnes ont été blessées, foudroyées, différentes cultures endommagées, dont des champs de maïs et de pommes de terre, étant des dégâts occasionnés par les pluies diluviennes et mêlées de grêle et de foudre sur certaines collines de la zone Nyagasasa et Kivumu de la commune Mugamba. C'était dans l'après-midi de ce jeudi. Les agriculteurs victimes qui espèrent une bonne récolte sont dans la désolation et Venus Tenahombaï, administrateur communal, demande des aides, surtout en semences. Le point avec Zeno Nzambimana. Ces pluies diluviennes mêlées de grêle et de foudre se sont abattues sur les différentes collines de la commune Mugamba dans la province de Bruli. C'était dans l'après-midi de ce jeudi. 3 personnes ont été foudroyées sur la colline Bovira en zone Nyagasasa et ont été vite évacuées au centre de santé Nyagasasa où elles sont en train de subir les soins médicaux selon Venus Naombaye, l'administrateur de cette commune. Les champs de culture de maïs, de pommes de terre, de patates douces et d'autres ont été également endommagés par cette grêle sur la colline Ruhinga de cette même zone, de même que ceux des collines Mokike, Gakaranga et Kivumu de la zone Kivumu. Ces cultures ont été réduites en lambeaux par cette grêle qui était toujours visible dans les champs le soir de ce jeudi. Les habitants de toutes ces localités disent qu'ils sont pour le moment dans la désolation totale alors qu'ils espéraient une bonne récolte et craignent qu'ils risquent de mourir de faim. Ils demandent à l'État et aux autres bienfaiteurs de leur venir en aide. L'administrateur de la commune Mugamba fait savoir que la superficie des champs de culture endommagés sera connue très prochainement. Venus Nhaombaye demande également une aide et surtout une aide en semences pour la population victime. Les agriculteurs de la province de Bruli qui espéraient une bonne récolte de maïs pour la saison culturelle A par rapport à celle de l'année écoulée disent qu'ils commencent à désespérer suite à ces intempéries qui sont déjà signalées en commune de Mugamba. Depuis Bruli, Zenon Zambimana pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette édition à 18h08 dans le studio de la radio Isanganiro, page Justice. Avoir au moins une expérience de 8 ans dans la magistrature en diplôme de baccalauréat, c'est l'une des innovations du nouveau projet de loi portant révision de la loi organique régissant la Cour suprême telle que adoptée par l'Assemblée nationale ce vendredi. Les parlementaires ont voulu savoir pourquoi il n'a pas été prévu que ces membres aient un niveau de maîtrise vu l'importance de leurs fonctions. Le ministre de la Justice, Domine Bagnac, Mbona a tranquillisé et cette décision a été prise car il a été constaté que ceux qui ont une expérience de 8 ans et plus exercent bien leurs fonctions. C'est une information que nous devons à Sheila Irambona. Et la population de Mugendo, en commune Nhega de la province Kirundo, vivant tout près de la frontière burundo-rwandaise, demande au gouvernement des deux pays de trouver solution afin de rouvrir les frontières et renormaliser les relations. La perte est énorme de tous les côtés, dit cette population. Et pour d'autres, la question de sécurité est primordiale. Le point avec Abraham Safari. La fermeture des frontières avec le Rwanda provoque une perte énorme de tous côtés, comme le signale la population de la zone Mugendo, commune de Nega, province de Kirundo. La plupart des gens interviewés nous ont fait savoir que lorsqu'il y a la paix et les bonnes relations entre ces deux pays, l'échange des produits devient facile et profitable pour tous les côtés. Les produits qui sont plus chers chez nous, ils peuvent aller les chercher au Rwanda et vice-versa. Quant à la rémunération pour les journaliers, la somme est élevée au Rwanda par rapport au Burundi, ont-ils signalé. Il demande qu'il y ait le dialogue entre ces deux pays pour réouvrir les frontières et renormaliser les relations. Pour d'autres, la fermeture des frontières pour le Burundi était chose nécessaire, surtout que ce pays voisin héberge les ennemis du Burundi. Pour garder la sécurité pour notre pays, ont-ils dit, la mesure doit être appliquée, mais eux aussi demandent qu'il y ait le dialogue entre le gouvernement burundais et rwandais. Rappelons que cette mesure de fermeture des frontières a été déclarée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique en date du 11 janvier 2024 en province de Kayanza lors d'une réunion avec les administratifs et les forces de sécurité. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Restons au nord du Burundi, mais cette fois-ci en province Ngozi, où quatre chefs de zone de cette province ont été limogés dans un délai ne dépassant pas un mois. Dans une réunion de ce jeudi avec le ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la province Ngozi, Désiré Minani, a évoqué le concubinage et la fraude comme raison de cette destitution. Cette autorité provinciale annonce la poursuite de ces descentes dans les zones pour s'enquérir de la façon dont la population est dirigée. Le point avec Apollinaire Muzagara. Ces chefs de colline qui ont été destitués sont ceux de Gatsinda, Mumba, en commune Mumba, Ngoma, en commune Gashikanwa et Moussassa dans Kiremba, toutes de la province Ngozi. Parmi eux, il y en a qui sont accusés de concubinage, comme ça a été évoqué il y a environ 3 semaines en commune Mumba. D'autres sont limogés à cause de la pratique d'un commerce frauduleux. Autre infraction, motif évoqué même ce jeudi, lors d'une réunion que le ministre Martin Niteretse a tenue à l'intention des responsables des différents services œuvrant dans cette province. Le gouverneur Martin Minani déplore que ces pratiques de fraude et concubinage créent de l'insécurité, d'où il envisage la poursuite de telles visites dans toutes les zones afin d'identifier et limoger de tels administratifs jusqu'au niveau des collines. Depuis son arrivée à la tête de la province Ngozi il y a environ 4 mois, Désiré Minani a déjà visité toutes les 9 communes que compte cette province et 17 sur les 32 zones que compte la province Ngozi. De Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Et en province Kayanza, des métaux à certaines écoles de la commune scolaire de Kayanza ont été volés. L'exemple est celui de l'école fondamentale Karinzi, où 8 fenêtres métalliques ont été volées, et l'école fondamentale Chukiro, dont 12 fenêtres métalliques ont été volées dans une période ne dépassant pas 2 semaines. Le Rémi Chichahayo, gouverneur de la province Kayanza, avait recommandé au début du mois en cours la suspension de l'achat de ces métaux dans toutes les communes de cette province, nous rapporte Patrick Nsengiyumva. Depuis déjà au moins 2 mois, il s'observait dans des communes Gatara et Kayanza en province Kayanza des acheteurs de métaux usés où le kilogramme de ces métaux s'achetait à un prix variant entre des 1000 et 3000 de nos francs selon l'état du métal ou le type de métal. Consécutivement, à certaines écoles de la commune scolaire Kayanza, on y a volé certains objets métalliques. L'exemple est celui de l'école fondamentale Kalinzi où on y a volé 8 fenêtres métalliques et l'école fondamentale Chukiro qui a été volée 12 fenêtres métalliques comme les indique le directeur de ces établissements scolaires. À l'école fondamentale de Kilema, en ville de Kayanza, le directeur d'école dit que l'école qu'il dirige a été volée certains des objets métalliques. La Simeo Tuyubahe cite par exemple le vol d'imas du drapeau, le vol de fer à béton, les cadenas, les marteaux, etc. Le directeur de l'école fondamentale de Kilema dit avoir soumis aux autorités compétentes cette question du vol des objets métalliques à des écoles pour que l'achat de ces métaux usés puisse être suspendu. Dans une réunion du gouverneur de la province Kayanza avec les administrateurs communaux au début du mois encore, le gouverneur de la province Kayanza a recommandé à ses autorités administratives et communales la suspension de l'achat de ces métaux dans les communes qu'il dirige. Annonce de soulagement en fait aux habitants de la province Kayanza, surtout en ville de Kayanza, pour cette mesure administrative de Rémi Chichayo. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Parlons politique à présent. En province Mwaro, la cohabitation entre les jeunes des partis politiques est bonne, du moins selon certains de ces des jeunes affiliés à différents partis politiques. Ils affirment qu'il n'y a pas de confrontation entre eux dans leurs activités. Ils l'ont évoqué ce jeudi lors d'une formation organisée par le Conseil national de sécurité. Ambassadeur Sylvestre Marura a appelé ces jeunes à privilégier d'abord leurs occupations quotidiennes et de garder la sérénité, même en période électorale. Les détails avec Laurent Dikouliou. Selon les propos des jeunes affiliés à différents partis politiques en province Mwaro, la cohabitation entre eux est bonne. Par exemple, Edouard Nsabimana, un jeune membre du parti CNDD-FDD en province Mwaro, indique que les jeunes affiliés à différents partis politiques cohabitent bien car il n'y a pas de confrontation dans leurs activités. Il conseille à d'autres jeunes de garder toujours un bon comportement, même en période électorale. Eric Nyondang, un jeune membre du parti UPRONA dans la même province de Mwaro, souligne lui aussi que les jeunes de différents partis politiques se regardent toujours d'un bon œil dans dans cette province. Il souhaite que des formations à l'endroit des jeunes continuent pour qu'en période électorale, il n'y ait pas de suspicion entre jeunes membres de différentes formations politiques. Donatien Chimilimana, un jeune membre du parti APDR en province Moaro, est lui aussi du même avis. Il souligne qu'un parti politique a annoncé à l'administration son programme d'activité dans une localité quelconque, les activités se déroulent comme prévu. Au moment où a eu lieu ce jeudi une formation à l'endroit des jeunes membres de différents partis politiques en province Moaro, une formation organisée par le Conseil national de la sécurité en ce qui concerne le bon comportement des jeunes à l'approche des élections, l'ambassadeur Sylvestre Marora, un des orateurs du jour, conseille à ces jeunes de privilégier leurs activités quotidiennes avant d'entrer dans la compétition politique. Pour lui, un parti politique est un cadre d'expression, mais l'activité de tous les jours pour les jeunes garde une grande importance. Il leur demande de garder un bon climat entre eux au niveau des échéances électorales prochaines. De moi, Laurent Dicoli, Radio Isanganiro. Page nécrologique de cette édition, Adrienne Nahimana, une des acteurs du théâtre radiophonique dans le feuilleton très populaire en Indé, n'est plus, elle a rendu l'âme dans la nuit de ce 18 janvier suite à une maladie depuis 2018. Retour sur sa carrière avec Christian Savier. L'artiste comédienne Adrienne Nahimana, dans la série théâtrale radiophonique Feuilleton Ninde, qui passe sur les ondes de la radio nationale RTNB, est née sur la colline Kabanga, commune Guiheta. Nous sommes dans la province de Gitega en 1957. Elle a commencé à jouer dans Ninde en 1981 et fait partie des acteurs qui ont initié l'idée. Ses fans admire ses talents basés surtout sur sa façon de faire rire ses auditeurs et téléspectateurs, que ce soit sur les ondes ou dans différents spectacles sur scène, un peu partout au Burundi. Wawe na patiri atekera babikira babona uko aho mubaguha isindimo rero wewe nkunkoroge nkunkoroge. Sa santé a commencé à se détériorer en 2018. Adrienne Nahimana était une fidèle auditrice de la radio Isanganiro et a même prêté sa belle voix à sa radio qu'elle adore. On invita le public à écouter la radio Isanganiro. Beaucoup de gens se souviendront longtemps de ce jingle. Hewe, washite, ahani ku Isanganiro. Nungoroge. Que la terre lui soit légère. Quelques brèves en international avant de clore cette édition. En République démocratique du Congo, conformément au calendrier de la Commission électorale nationale indépendante de ce pays, Félix Tshisekedi va prêter serment ce samedi 20 janvier au stade des martyrs de la Pentecôte. Lors d'un briefing de presse avec le porte-parole du gouvernement Serge Tshibangu, il a été révélé que 18 chefs d'État, 2 vice-présidents et 4 anciens chefs d'État ont confirmé leur participation et le président burundais Evariste Ndayishimiye est également attendu en RDC au retour du 19e sommet des 120 pays qui sont réunis en Ouganda, à Kampala en Ouganda, pour le 19e sommet du mouvement des non-alignés, des pays qui continuent à revendiquer leur indépendance ainsi que leur solidarité vis-à-vis des crises internationales, dont la dernière en date est la guerre à Gaza. Et vous vous rappellerez qu'en 2019, le président kényan Uhuru Kenyatta était le seul chef d'État présent à la cérémonie d'investiture de Félix Tshisekedi. Et au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé avoir déjoué un projet de déstabilisation du pays. Dans un communiqué du gouvernement, il évoque un réseau de plusieurs militaires en fonction, des militaires radiés et des civils dont l'objectif aurait été de s'attaquer aux institutions de la République. Le porte-parole du gouvernement a assuré que des financements étaient en cours de déblocage et de transfert depuis l'extérieur du pays pour alimenter l'opération. Plusieurs militaires et civils impliqués dans ce projet ont été interpellés selon le gouvernement qui dit enquêter pour dégager d'éventuelles autres implications, écrit la RFI. Et voilà, à 18h20 dans le studio de la radio Isanganiro, ainsi s'achève cette édition. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndouayo qui assurait parfaitement la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes. Mireille Kanyangi.